Deuxième fragment enregistré dans la cour Saint-Laurent, Saint-Lô 2. Séquence où la vie sonore de la cour l'emporte sur le fond urbain. Bobby! Bobby! Bobby! Bobby!